Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 20 juin et nous sommes en direct de Radio Gemozo pour une nouvelle émission des Ados. Est-ce que tout le monde va bien ? Oui. Oui. Oui. Oui. Alors vous êtes prêts pour attaquer une nouvelle émission ? Oui. Oui. Dans la joie, la bonne humeur, oui. Sans hurler ? Oui. Sans crier ? Oui, Nathan. Sans taper. Voilà. Comment c'est le titre de la radio ? Tu veux annoncer le titre de la radio ? Mais je viens de le dire, Nathan. T'as pas entendu ? J'ai pas dit le titre de l'émission. Si elle l'a dit. Si. T'es sûr, Nathan ? Si, si, elle l'a dit pour les ados. Voilà, les ados. Voilà. Oh, Christopher, s'il te plaît. Et il l'a dit tout plein de fois. Ouais, merci, Timothée, tu me soutiens au moins. Moi aussi, ouais. Je soutiens Corinne. Moi aussi, Corinne. Moi aussi, Corinne. Moi aussi, Corinne, tu vois, oui, souvent. Alors, c'est bon, Nathan ? Oui. Ok. T'as entendu, Nathan ? Alors, la dernière fois, il y avait une chanson mystère. Et je sais pas, on va demander à Marc, mais je pense que personne n'a appelé. Non, mais elle n'était pas facile hein, quand même la semaine dernière. Voilà, donc c'était Christopher qui l'avait choisi. C'était qui ? Kazero Tainana. Elle n'avait pas passé la musique. Elle n'avait même pas eu le temps de la mettre. Bah, si, c'était la chanson mystère. Ah, c'est vrai, elle avait mis. Voilà, et c'est vrai qu'elle n'était pas facile, mais en même temps, elle est connue, je pense. Donc voilà, c'est comme ça. Hein. Alors cette semaine, c'est qui a choisi la chanson mystère ? Monsieur Timothée. Alors on ne dit pas c'est qui. On va l'écouter et on demande aux auditeurs d'appeler au 03 29 62 40. Attendez, je vais répéter. 03 29 62 40 40. Et on écoute la chanson mystère. C'est parti. Go. À me demander comment je vais combler tout ce vide que tu as laissé. Je sens que la journée promet d'être longue et je n'ai plus personne avec qui la passer. Je ne peux plus porter cette solitude, tu me manques, je n'ai plus personne à qui me confier. Je passe mon temps à regarder par la fenêtre et je ne te vois toujours pas entrer. Semble faux, j'en perds mes mots. Que vais-je devenir ? Je garde espoir de te revoir dans un proche avenir. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Les souvenirs ne cessent de me hanter. Tu vas me manquer. De ton retour, mais le réveil me replonge dans ce cauchemar. Sans toi, je m'ennuie, je souris quand je pense aux discussions qu'on avait matin et soir. Je pense tellement à toi, parfois j'ai l'impression d'entendre le son de ta voix. Plus les années passent et plus je réalise à quel point j'avais de la chance de t'avoir. Semble faux, j'en perds mes mots. Que vais-je devenir ? Je garde espoir de te revoir dans un proche avenir. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Les souvenirs ne cessent de me hanter. que mon corps supportera ton absence. Je t'attendrai encore, encore et encore. J'attendrai que tu rentres. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Les souvenirs ne cessent de me hanter. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Ça fait si longtemps que j'attends que tu rentres, mais de ma mémoire tu disparais. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Tiens là, Corinne. Voilà. Il y a un nœud, c'est ça? Bah ouais, oui. Donc c'est pas la chanson qui s'appelle Il y a un nœud, hein? Et surtout, on ne dit pas ce que c'est, hein? D'accord? Oui, oui, oui. On enlèvera ça après, Timothée. Moi, je suis très commode. Hein. Alors, Corinne, Timothée, on a dit qu'on... T'avais fait un pari avec Corinne. Oui. Et ben justement, c'est une chanson récente, donc peut-être que quelqu'un va appeler. Aujourd'hui. Parce que je vous dis pas, le chanteur, il va se désespérer, hein, si personne ne connaît sa chanson. Hein. Voilà. Alors, quand on a préparé, bien sûr, le sujet... Ah, il y a un appel. Ah bah voilà. Chut, on écoute. Timothée. C'est pas pour nous. Timothée. C'est pour nous ou pas? Timothée. C'est pour nous? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Qui est à l'appareil? C'est pour la chanson Mystère. Ah bah oui, oui. Mais qui nous appelle? Je m'appelle Maya. Maya, oh mais c'est quelqu'un que je connais ça, Maya. Pas de nom surtout, hein. C'est ma grande mais... sœur. Voilà. Maya. Salut. Alors. Maya. Alors Maya. Salut Tim. Pouvez-vous nous dire qui est l'auteur et le titre de la chanson? Alors, c'est Maître Gims, Tu vas me manquer. Eh ben, c'est juste. Ouais, yes! Bravo! Bravo! Alors, merci. Maya, est-ce qu'on peut espérer vous avoir une fois à l'émission de radio avec nous? Alors, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu serais content, Timothée? Oui. Oui. Oui, alors écoutez, ben, je vous rappellerai hein, pour mettre ça au point. D'accord. Mais ça pourrait être sympa. Merci. Après la maman, Maya. On a eu Jade aussi. Et Eulalie. Eulalie, voilà. Eh bien, on remercie beaucoup Maya de nous avoir appelés. Hein. Et on lui dit à bientôt à l'émission avec nous. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci Maya. Merci Maya. Maya. Au revoir Maya. Bonne journée. Au revoir Timothée. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Alors Timothée, t'es content? Oui. Ah, enfin une qui a trouvé la musique. Enfin une qui a trouvé la musique. Oh. C'est un bon moment. Ah bah oui, c'est bien. Donc, on peut dire que bientôt nous ferons la connaissance de Maya. La grande sœur de Timothée. Oui. Ah. Bah moi aussi j'aimerais bien faire la connaissance de mes sœurs. Maya. Ah bah oui, mais pour ça il faut qu'elle vienne à la radio. Ah mais j'en ai en parlé avec ma sœur. Oui, et puis il faut qu'elle appelle à la chanson Mystère. Non mais en fait si tu trouves pas, tu vas sur YouTube. Si tu trouves pas, soit tu vas sur internet, trouver et écouter. Bon, celle-là a été connue hein, quand même. Oui. Hein? Je pense que Maître Gims, là, alors là, il aurait été très déçu que personne ne trouve sa chanson. Hein? Hein? C'est vrai là. Voilà. Allez, bon, c'est bon? C'est fini pour ça? Oui. Alors, le premier sujet lundi, bien sûr, c'était Maya. Quoi? Foot. Le foot. Bien sûr. Foot de mec. De mec? Ouais. Bah, fille aussi, ça existe, hein? Moi je sais. Il y a des filles aussi qui jouent au foot. Hein. Il y a des filles qui. Les mecs là. Toi tu préfères les mecs. Aïe. Ouais, un apéro devant le match de foot. Le coca. Ouais, mais ça c'est pour ceux qui regardent chez eux. Mais est-ce que les ça. Joueurs ils portent l'apéro pour aller jouer au foot? Les regards, il faut comme ça les filles. Voilà. Il faut comme ça les filles. Non. Bon, alors on se calme là. Alors Christopher, tu nous avais donné des résultats. Ouais. C'était qui? La France contre je sais plus qui. Australie. Australie. Ah là, tu vois, il y en a beaucoup qui sont au courant là. Alors le score c'était quoi? 2-1. La France 2 et l'Australie 1 seul but. Voilà, donc qui c'est qui a gagné? La France. Bien. Et le Brésil, ils ont marqué 1-1. Attendez, on avait aussi dit qu'il y avait blanc rouge. Ouais, qu'il y avait eu France-Angleterre en rugby. Et qui c'est qui a gagné? France-Angleterre. Ah, Angleterre. La France. Bien, Juliana. Bah, oui, ouais. Mais non, mais les dernières. La France est champion du monde de rugby. Mais non, les dernières. Voilà. Les dernières, ils ont battu la France entre Portugal. Non, mais on n'est pas à l'année dernière, là, Nathan. Ça, avant, c'était la France Portugal. On va peut-être se contenter de cette année. Hein. C'est déjà pas facile. Le foot, hein? Fais gaffe, Nathan, on va gagner la Coupe du Monde. Nous, le foot. Voilà, en France, on a perdu pour Portugal. Hein. Bon, Nathan, on est en 2018, là. Hein. Ouais. On ne part pas l'année 2017. Dernière, je ne sais pas. Ouais, pas en 2017. Et qui c'est qui a joué 2018. Aussi 2018. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme match, à part la France et l'Australie? L'Allemagne. Qui? Il y a eu, j'ai vu aux informations, il y a eu... Oui. Les Portugal. L'Égypte. Non. Qui? L'Égypte. Ah, peut-être pyramide là-bas, aux Antilles, là. Ah, Marc, il dit oui, mais Marc, là, je suis pas au courant. Alors, si tu peux aider... Portugal, ils ont marqué 3-3. Attends. Égypte, ils ont perdu, je crois. Égypte a perdu. Et ils jouaient contre qui, Marc? Je ne sais plus. Voilà. Contre le Maroc. Contre le Maroc. Donc, le Maroc a gagné. Sur les finales, ça va être dur. Et puis vous avez dit qu'il y avait eu quoi encore comme match? Brésil contre... Brésil contre... Belgique? Non. Allemagne? Non. Paris? Non. Ah, la Suisse? Oui, Timothée. Ah, ouais. Et le score? Oui, bien, Timothée. Ah, Timothée, une ressource. Oui, ce mais matin. Il y en avait des tricheurs. Hein. La Suisse était des tricheurs. On va remercier Maya d'avoir appelé parce que Timothée est ressourcé là pour l'émission. Mmh. Ça y est, c'est bien. La Suisse, c'était des tricheurs. Ah. Ce qui faisait que des troche-pieds et des balayettes, c'est tout. Ah. Des balayettes? Par un fort. C'est quoi ça, des balayettes? Bah, ils fonçaient des balayettes beaucoup de fois. Bah, les balayettes. Et il y en avait un qui avait croche-pied, quoi. Oh, attends, on va demander à Marc parce que. Bah, non, c'est un. Quelqu'un qui était fort. Nathan, attends. En langage foot, ça s'appelle un tacle. Un tacle. Et c'est un croche-pied. Oui, en fait. Oui, c'est pour empêcher l'adversaire d'avancer. Et c'est une faute. Il y en avait même un qui a eu carton jaune. Carton jaune. Ouais. C'est la Suisse. Oui, Timothée. Et il y a quelqu'un qui a lancé la balle hein, en plein figure de... Ah oui, c'est Jérôme. Du gars. Ah, Jérôme, ça, c'était dans des annonces de foot. Et puis alors, il était assommé? Il y avait, il y avait du sang partout. Sur le front. Le front explosé. Oh. C'est violent, hein, le foot, hein. Bah hein oui. Ouais. C'est ça, le foot. Bah oui, hein. Donc, Brésil, Suisse, 1-1. Bien, Timothée, merci. Et alors? Demain soir, il y a un match. Demain. Ah oui, oui. Jeudi. C'est qui? France. Oui, mais contre le soir. Oui, c'est à 5h15, je crois, le match. Il va falloir se dépêcher en sortant du travail. 5h ouais. Oh là là. Pas avec le soir ou l'après-midi? Le soir. À 5h. C'est le soir. Ouais, c'est à 5h. Oui, alors c'est qui? C'est France contre qui? Portugal. Portugal? Non. Oh. L'Allemagne. Ah bah je vous demande moi. L'Allemagne. Je sais pas. L'Allemagne. Non. Je regarde pas le foot moi. Oh toi tu peux faire un arrêt, je sais pas lui oui. Mais arrête ça va. Maroc. Juliana, Maroc. Que tu... Attends. Je regarde pas lui oui. C'est qui? France. France contre Australie ou pas? Non bah non. Non. Ah mais oui. J'ai déjà fait ça. Ah je c'est sais France, pas. Pérou. Pérou. C'est ça Marc hein? Ah oui. Voilà. Pérou. Ah mais la France. Alors à votre avis? La France. France, on arrive bien à tirer. Non, je dirais que c'est Pérou. Nous, on va demander à Marc si le Pérou c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe s'ils perdent. Non. C'est une bonne équipe s'ils perdent. Donc ça veut dire que Marc espère que les Français vont gagner aussi. Et Corinne, oui. Je vois deux secours cette heure sur la main de foot. Bah non. C'est le foot, ça dure longtemps. Hein. Bah, 1h30, hein. Donc. Non. Et il sera 6h30, hein. Il sera finalisant et après ils vont parler. Est-ce qu'on peut s'écouter, s'il vous plaît? Le match dure 1h30, Christopher. Si ça commence à 5h, ça veut dire que ça va finir à quelle heure? 11h. 11h? Oh là là. À 6h? À 10h. Non, à 6h. Ah, un peu plus, Juliana. À 9h. À 7h. 6h30. S'il y a des prolongations, peut-être 7h moins le quart. Non, le foot, des fois, la nuit, il passe à 20h. Oui, mais là, c'est 5h, Nathan. Ah, bah, il finit à 7h. C'est oui, la même question, Juliana. Oui, Juliana. Ouais, après, les gens, il faudra qu'ils se dépêchent à demain soir en rentrée du boulot, ils rouleront à foot. Vous, ça va, parce que vous quittez à 4h15. Ouais. Moi, moi, je quitte à 5h15. À tenir une tout ça. Alors, je vais louper les oui, une demi-heure de match. C'est pas grave, tu vois, on a du temps, alors. C'est pas grave si je manque. Oui. Ah. Bon, là, on est en replay. Si, c'est grave. Ouais, mais en replay, c'est pas pareil que sauf... Tu vas regarder. Ah non, c'est mieux en tu vas regarder, Corinne. Oh, bah oui, hein, je suis sûrement... Oui. Je vais même gagner des sous. Je sais, c'est qui le vraiment plus fort. Le plus fort, c'est le Japon, le plus fort. Les Japonais, les plus forts. Ouais. Oh, c'est pas si sûr, moi, Nathan. Hein. Et Corinne. Oui. Pour faire une lettre, c'est pour l'équipe de les France. Japonais, on les met tout de suite dans les toilettes. Tu penses qu'il est adresse. Même du micro. Non. On va même donner un autographe de les joueurs. Japon. Bon, bah écoutez, hein, on se tient informé de la suite des événements côté foot et on donnera les résultats la semaine prochaine. D'accord ? Ah, et ouais. Alors vous notez bien hein, quand vous voyez un match de foot, je regarde qui c'est pas qui joue et les résultats. Okay. Bah, même si tu regardes pas, tu peux peut-être t'y mettre un peu à regarder. Notez dans un petit bout de papier. Voilà, oui, et la vie vous apporterait aussi les scores. Voilà, c'est bien, Timothée. Je marquerai sur ma main, moi. Sur ta main voilà. Avec un papier sur la feuille. Ouais, alors, il faut pas que tu te laves parce que ça va partir. Mais non, je te lève mon corps. Ah, à tu laveras pas ta main. Tu vas faire comme ça. Oh hein. Quel bras l'autre. Oh, moi, je t'aurais lavé ta main, Christopher. Non, moi, bon, je t'aurais foutu on va peut-être changer de sujet. Ce serait bien qu'on s'écoute. Du collège. Quand il y a quelqu'un qui parle, on le laisse parler. D'accord. Allez, le sujet suivant, c'était quoi. Du collège. Non. Ah. Ah oui, la route des panneaux. Des kilomètres. La route des panneaux. Ah, il faut plus vite. Ah bah super. À 80. À 80. Ah, moins vite. Le premier, juin, le 1er juillet, ils vont changer. Ce sera ça va rouler à 8 0. 80 km/h. Moi tu l'avais dit. Et là actuellement, c'est combien? 50. Maintenant ça à 45. Comment? 45. Non. À 60. Non. 50. Actuellement, 10. Les panneaux que vous voyez sur les routes. À 100. Non. 101. Bon, allez, on va dire 90. Voilà. Voilà, c'est 90. Donc, 1er juillet, 80. Alors, je vous ai demandé, à votre avis, pourquoi ils réduisent la vitesse? À cause des accidents. À cause des accidents. Oui, des personnes qui meurent. Des personnes qui meurent. Qui vont écraser les gens et les piétons. Attendez, parlez pas tous en même temps, parce que... Oui. Pour pas qu'ils écrasent les piétons. Corinne, c'est quoi qui se... Oui, pour pas qu'ils écrasent les piétons. Mais oui. Et pour pas qu'ils foncent dans les vélos. Pas qu'ils foncent dans les vélos. Ah oui. Pour les vélos dans les bicyclettes. Pour qu'il y ait moins d'accidents. Et moins de morts. Sauver des vies. On aura plus de boussons. Ah, alors, les inconvénients, Steven, il dit qu'il y aura... Des boussons. Plus de boussons. Beaucoup plus de travaux. Il reste une heure coincé dans un bousson, c'est nul. Il y aura beaucoup plus de travaux. Il y aura plus de travaux. On sera plus en retard au travail. Non, attends, je vais écouter. Pourquoi il y aurait plus de travaux? Parce que ils vont refaire des routes pour grandir la route, parce que la route elle commence à être vieille. Et vont faire mais ça n'a rien à voir avec les limitations de vitesse. Ça n'a rien à voir, Nathan. Si. Alors il faut bien sûr qu'ils changent les panneaux partout. Ah oui. Ça va prendre du temps, ça. Je vois aussi d'enlever les panneaux, et voilà. Toute la France, changer tous les panneaux à 90. Ça dure. Oh. Et les autoroutes alors? Bah, l'autoroute, ce sera toujours ça. Ça reste pareil. Bonne nuit, Juliana. Vas-y, tu voulais dire quoi? Par contre, il y en aura qui seront dans les mêmes panneaux, mais il faudra, même s'il n'y a pas le panneau, il faudra quand même rouler. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà, parce que le 1er juillet, tous les panneaux ne seront pas changés. Donc, il y aura encore des panneaux à 90, mais c'est pas pour ça qu'il faut rouler à 90. Hein. Non, tu vas arrêter. Il faudra rouler à 80. Et Corinne, sans les amants, ils vont ramasser beaucoup d'amants. Et il faut redescendre sur Timothée, Terre, Juliana. Timothée, attends. Christopher. Il y aura beaucoup d'amandes. Oui. 300. Non, si milliards. Vous roulez trop vite, bah, les amendes. 1000 euros. Mais non, 200 d'amende. Alors, je vous disais, ben, les personnes qui roulent beaucoup, comment, par exemple, pour aller au travail le matin, comment elles vont faire pour arriver à l'heure? Ils vont rouler, ils vont se lever de bonne heure. Ils vont se lever un peu plus tôt. Oui, 3 heures, puis ils vont rouler très vite. À 3 heures de matin. Ah, alors Steven, il dit, eh ben, il y en a qui vont rouler vite. Non, parce que sinon, ils auront une amende et les policiers feront 10 sous. Ah, bah, ils peuvent se rouler. Et ils vont rendre l'argent dans la poche. Non, c'est pas dans leur poche, hein. L'argent des amendes, elle va où? Dans leur compte. Dans leur compte. Ah, c'est les gendarmes. Ils vont manger McDo. Allez, de leur compte. Non. Ne parlez pas tous en même temps. Ils vont manger McDo. Quand les gendarmes donnent une amende, où va l'argent? Ministère de la Défense. C'est les gendarmes. Ministère de la Défense. Non, ça va à l'État, oui, mais pas au ministère de... Oui. Coffre-fort des gendarmes. Non, coffre-fort des gendarmes. Oui. Avec un code. Non, mais ça billets. Part à l'État. Avec beaucoup, des faux billets. Et qu'est-ce qu'ils font avec tout cet argent-là? Ils font les routes. Ils refont les routes. Tout ça. Changer les panneaux, ça va faire partie du budget là. Et bon. Corinne, là, il y a des gros bouchons avec tes camions. Mm. Oui, alors, qui c'est qui avait dit attention au radar et à vos permis? Qui c'est qui avait dit ça? Steven, oui. Mm. Ben oui, hein, forcément. Bon, on conclut là-dessus, c'est bon? Corinne, oui, tu Corinne. Tu au travail, Corinne, j'avais des bouchons. Tu crois qu'il y aura des bouchons là, dans les coins ici? Tu pourras même pas doubler, c'est les... Mais du coup, nous, il faudra qu'on se lève de bonne heure. Tu crois que les taxis vont passer plus tôt? Bah oui. Oui, ça a les bouchons. Comment ma chauffeuse, elle roule à fond, des fois. Et Corinne, les bouchons. Et les bouchons, Corinne... Il va faire tuer. Une heure dans les bouchons... Non, Juju. T'entends quoi sonner? Oui, Timothée. C'est dans l'autoroute, ça, c'est près de près de chez Zedine... Près de chez Zedine le Petit, bah, ils refont les travaux. Ah, Gérard May, oui. Alors il y a des feux et tout, vous perdez du temps un peu. Non, pas de feu, il y a des panneaux. Oui, vous devez ralentir ou non? Non, on prend une autre route. Ah, vous prenez une autre route? Oui. Ah, bah ça va, ça va. Et Corinne? Oui. C'est pour voir les bouchons à cause des tracteurs. Les tracteurs, ils font des bouchons? Non, mais s'ils vont sur les routes, les tracteurs. Ah bah ils vont sur les routes les tracteurs. Ils roulent doucement. Ils roulent doucement. Ah oui. Et à limiter. Et les doublés. Bah oui. Ils sont là. Bah oui, mais il faut bien qu'ils travaillent aussi. Ouais, les gens là. Ils sont dessus, hein. Tu fais quoi? Ouais, alors quand ils sont dessus, ils font rien, ils restent là. Vous klaxonnez? Ouais, alors quand ils sont dessus pour les arrêter. Bah, il faut bien qu'ils se déplacent aussi. Mais ils roulent doucement. On joue une main là-bas. Bah, je sais ce qu'ils veulent pour pas s'énerver. Bah, ils prennent leur téléphone et ils envoient des textos. Là, ils jouent à Pokémon Go. Tu crois qu'ils envoient des textos en prison, toi? Dans les... Oui, ou s'il y a des bouchons, c'est rouge. Et quand c'est jaune, ils envoient leur téléphone. Oui, Juliana. Et non, quand ils voient quelqu'un derrière, ils s'arrêtent et ils se garent à côté pour voilà, qu'on laisse passer. Elle a raison. Ah oui, ils font voilà. Ça. Ouais. En général, ils se garent pour laisser passer les voitures. Oui. Ah, c'est ça? Oui. Voilà. Tout le monde est d'accord. Moi, je suis d'accord avec Juliana. Les camions. Oui. Les gros camions, t'as totalement raison, Juliana. Bon, allez, on fait la première pause avec la chanson de Camille. Marshmello et Anne-Marie. Marshmello. Marshmello. Marshmello. Voilà. Alléluia. Moi, Alléluia. On a fait de l'amour. Panamera, on a couronné la mama, le petit Jérôme Beauvoir, rendu au best au régal en soldat quand tu me vois crier Alléluia. Ce soir nous sommes à deux trompettes, la victoire de jeunes des flots, fini les portes de la haine, sur place le bénéfice jusqu'à l'autre. Alléluia. Avec des vrais gars, les mêmes de puissants coucailles. Ton marabout ne le paye pas, car on est toujours On est parti de rien, du ciment sur les mains. Pas de nouveaux amis, non, non, pas de nouveaux amis. Pas de nouveaux amis, non, non, pas de nouveaux amis. On est parti de rien, est-ce que tu t'en souviens? On est parti de rien, du ciment sur les mains. Pas de nouveaux amis, non, non, pas de nouveaux amis. Pas de nouveaux amis, non, non, pas de nouveaux amis. Allez. Alors, là, c'était la chanson de Steven qui est passée, hein. Mais je suis tellement au fait avec les tubes que j'avais même pas fait la différence entre soprano et marshmallow, la chanson la de Camille. Comment est la différence, la voix? Ouais. Oui, eh ben, oui, oui, je suis Christopher. Donc, écoute, la prochaine chanson, ce sera la tienne, marshmallow, d'accord? Et ne fais pas la tête là, Camille, hein. C'est comme ça, c'est pas moi qui suis en technique, c'est Juliana. Non, je disais à Camille qu'il y a eu une erreur dans la chanson, voilà, que c'était soprano, celle de Steven. Ah oui, je le reconnais, c'est de ma faute, là. Voilà. Ah oui, ça, Camille, elle l'aura tout à l'heure, c'est pas grave, hein, c'est pas un drame. Pas bien, Juliana. Bon, allez, c'est bon. Ensuite, on a parlé de... On se calme. Timothée, reste avec nous. Timothée. Voilà. On a parlé de quoi, après? Je sais pas. Du collège. Ah, alors Camille elle me dit du BC. C'est quoi le BC? Du lycée. Ah, du lycée, ok. Ou du BC, ou du BC. Pourquoi on a parlé du lycée? À cause du bac. Voilà, parce qu'il y a plein de jeunes qui... Enfin, le bac. Qui... Tu peux parler moins qui fort. Qui passe le bac. Voilà. Le diplôme. Qui passe le bac. Ils sont dans les épreuves en ce qui moment. Qui passe le bac. Font de la physique, de la Gèvre. De la Gèvre. C'est bon. Corinne, elle a marqué. La philo. Ah, voilà, philo. Il travaille puis, aussi. Ne parlez pas tous en même temps. Le chinois, ils font la langue chinoise, quoi. Ils font du chinois. Non, je crois qu'ils parlent je sais pas. Non, non, le lycée, c'est pas bon, le lycée. Quand c'est pas bon, le lycée. Quand ils mangent dedans, ils disent qu'ils aiment pas le lycée. Ah. Mon frère, il a dit qu'il aime pas le lycée, mon frère. C'est il aime pas les cours ou il aime pas manger? Il aime pas les manger là-dedans. Ah. Ouais, qu'il va manger un kebab. Mais il aime bien les cours. Non. Ah, il aime pas les cours non plus. Il n'aime pas travailler parce qu'il dit que c'est dur. Il dit que c'est dur. Bah oui, c'est sûr, c'est pas simple. Juliana. Vas-y, passe le bac français. Qui ça? Les gens. Ceux qui font le bac. Oui. Ils passent le bac français. Oui, il y avait la philo, il y a du français, il y a quoi encore? De la Gèvre. De la Gèvre. C'est Christopher qui a rengoté ça. Puis il y a les oraux aussi. Des gouzeaux. Ils vont défendre un texte ou je sais pas quoi devant un jury. Je sais. Il faut argumenter, oui. Oui, les oraux, oui. Et c'est beaucoup un oral, des oraux, un cheval, des chevaux. Aussi le truc à écrire. Ah bah oui, il faut beaucoup. C'est beaucoup de stress le bac. Après il pense à Camille. C'est beaucoup de stress. Pense à Juliana. Oui. Tu penses dans ta tête, ah oh, j'ai pas réussi, vous en m'entraînez encore, c'est moi. Bah oui, c'est des épreuves, hein. C'est des tous les examens, c'est du stress. Vous, quand vous réviser. Faites quelque chose, vous n'êtes pas stressé? Si. Si. Ah si, hein, aussi. Aussi le faire, c'est toi le bac. Tu prends, tu fais une faute de copie, tu le fais. Oh non, tu peux pas faire ça, toi. Courir. Si, t'as dû voir, c'est toi, si. J'ai mis ça dans l'information. Ah, mais peut-être préparé chez toi. Mais les examens, non, c'est pas chez toi. Oui. Les examens, c'est le brevet. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Au collège. Les au collège. Le brevet du collège. Non mais le baccalauréat c'est fini. Oui. Non, c'est pas fini. Non, ça termine vendredi. Dans les cours. Et je vous avais demandé d'où venait ce mot là, baccalauréat. Je sais pas moi. Et vous vous rappelez, on a regardé ensemble. Jésus. Jésus. Crie. Jésus crie. Ça vient de Jésus. Allez, fais de rire. Jésus-Christ. Bon, je vais fou rire là, excusez-moi. Courir. On a regardé sur internet et ça venait de. Paul Barney. Qui? Paul Barney. Non, Napoléon. C'est Napoléon qui a créé les lycées, rétabli les facultés de médecine, sciences, droit. Tu savais, Corine? Là on a vu ça sur internet. Napoléon fait beaucoup de choses, mine de rien. Si vous parlez, j'entends pas du tout ce que Marc dit. Ok. J'espère que c'est pas de l'intox, hein, mais voilà, c'était sur internet. Non, c'est Napoléon, donc je répète, a fait beaucoup de choses, il a créé beaucoup de choses qu'on garde maintenant, oui. Même si c'était il y a 200 ans. D'accord. Donc, ça doit être ça. Napoléon. Non, donc, Paul Barney. Ce n'est pas Jésus. Non, Paul Barney. Oui, Juliana. C'est qui les parents de ce que tu as dit? Paul Barney. On attend oui. Le téléphone, les parents de ce que tu as dit. Mais ils ont appelé deux fois. Qui? Comment on devient le bac? Je comprends pas, Juliana. Le diplôme, tu veux dire? Corinne. Bon, bref. Non, mais j'ai reformule ta question, Juliana. J'ai pas compris. Le bac du lycée dit. C'est qui c'est, il est né où, ce que tu as dit, là? Napoléon? Oui. En France, je pense, hein. Marc. En Corse. En Corse, ça va, voilà. Non, Corinne. Paul Barney. C'est qui, Paul Barney, là? C'est pas ce nom-là. Paul Barney. Je sais pas qui c'est, moi. Hein. C'est... Marc, sais-tu qui c'est Paul Barney? Non, non, non, c'est une blague. Non. Non. Moi aussi, je sais. C'est la première fois de te voir rire. C'est la première fois que tu me vois rire? Rigoler, quoi? Paul Barney. Oui. C'est la première fois qu'on te voit rire à fond. Paul Barney, non, mais non. Ouais, t'étais vraiment dans le coup. T'es un limeux. C'est la première fois que tu me vois rire? Oh, pourtant, je ris souvent, hein. Hein? De vous entendre, je ris souvent, hein. Parce que toi, comme tout à l'heure, ce que t'as dit, Jésus... C'est trop, ça me fait rire. Paul Barney. Bon, oui, Juliana. Je suis choquée. Tu es choquée? De quoi? Oh, bah, si tu es choquée de ça, ça va, Juliana. Paul Barney. C'est pas grave. Donc, Napoléon. C'est bon pour les lycées, là? Non. Oui. Et après, Napoléon. Le collège. Donc, je vous avais demandé au collège, quand on a fini, qu'est-ce qu'on passe? Le brevet. Le brevet. Timothée. Le brevet de sécurité. Le brevet de sécurité. Le brevet. Ah non, c'est pas le brevet de sécurité. C'est le brevet des collèges. Parce qu'au collège, on reste combien de temps? Deux mois. Non, quatre ans. Bien, attends. Dans 10 ans. On peut rester à 11 ans. Les classes. Et tu pars à 15 ans. On peut s'écouter. Est-ce que vous connaissez les classes qu'il y a au collège? C'est clair. Oui, moi, il y a 6e. Top. Il y a 6e, 4e. Ah bon, t'en as oublié. 3e. Ah, t'en as oublié une. Ah oui, 6e, 5e, 4e, 3e. Bien, attends. Il y a 4 classes. Et par contre, par exemple, en revenant au bac, il y en a combien d'années? 20. 20 années. 30. Bah dis donc. 30 ans. 30. Milliards d'années. le lycée, je sais combien on... Alors, vas-y, Nathan, au lycée. Le lycée, ok, t'as 18 ans, soit 20 ans. Oui, mais il y a combien de, d'années? Le lycée? Oui. Corinne. Trois bien, années. Bien, Juliana. Oui, est-ce que vous pouvez citer? Trois années. Il y a la seconde. Ah oui. Et après la clème. Il y a la dernière. Non, ça, c'est au collège. Ah oui, on quitte pendant, on quitte pendant 9 ans. Non, c'est pas 9 ans, Nathan. Seconde, après. Non, ça c'est au collège. C'est le collège que tu dis. Seconde, première, terminale. Voilà. C'est je bon, suis là choquée. Oui. Oh ben, non, ce matin. Dans les cours du lycée, on n'a pas le droit d'avoir leur téléphone et pas le droit de tricher. Au cours du lycée, on n'a pas le droit d'avoir de téléphone. Oui, ouais, mais au collège là. Non plus, hein. Bah oui, même à la récré, on n'a pas le droit. Pas à la récré aussi. À la récré, bon, il y en a plein qui ont leur téléphone. En récré, tu peux. Mais peut-être pas être dessus, quoi. Hein? Faut pas être avec son téléphone. Pas appeler. Eh, Corinne, si t'arrives au bac, tu fais comme ça, tu triches. Téléphone, c'est à l'extérieur. Oui, c'est Juliana. Tu dois pas faire. Tu dois pas avoir de téléphone quand tu passes le bac, sinon t'es viré. Ah bah, définitive. Oui, hein. Ah non, t'imagines? T'imagines si tout le monde vient avec son téléphone au bac, tout le monde regarde les solutions. Tout le monde est viré. Allez, ouste. Tout le monde est viré. Il n'y a plus personne. Alors quand les gens ils sont au bac, là, les étudiants, là, ils y vont comment? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'emmener, par exemple? Leur téléphone, oui. La tablette, de la whisky, du whisky. Du rosé. Maintenant, ils boivent maintenant. Des pamplemousses. Qu'est-ce qu'ils doivent avoir sur leur table? Des feuilles. Oui, de quoi écrire quand son même. Son cahier. Un cahier, des... un feutre. Un stylo, pas de cahier, hein. Un stylo, du blanc. Des feuilles pour écrire, c'est en général le prof qui les donne, hein, pas le surveillant. Il donne les sa sujets. Calculette. Des feuilles pour écrire. La calculette. Oui, ça c'est autorisé, oui, la prof, calculette. Il donne aussi des feuilles. La règle. La règle. Ouais, pour faire les traits. Oui. Et Camille. Crayon de papier, taille crayon. Ah, qu'est-ce que faire? Oui, de quoi écrire, quoi. Hein. C'est bon, ça? Ouais. Ok. Alors, après, on avait dit quoi? Ça y est, il y a une amnésie générale. Le collège. Oui. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le droit de faire au collège? Bah, t'as de nourriture. Non, non, vous aviez dit que quand vous allez au collège, vous aviez vu des choses. Quoi? Bizarre. Je vous préviens, c'est chacun son tour, hein, pas tout le monde en même temps. Juliana. Il y en a qui allaient dans le plateau des autres pour piquer leur dessert. Et c'est ça qui tend des mains quand on a un verre qui est cassé. Comme ça. Ah, voilà. Quand il y a un élève qui laisse tomber son verre au self. Tout le monde tape sur la table avec ses mains. On dit ouais. C'est très bouillant, hein, dans ces moments-là. C'est comme ça au collège. Oui. Et puis alors, qu'est-ce qu'ils font aussi au collège? Ils courent, ils disent des... ils s'insultent. Non. Oh. Parce que vous, vous le faites pas. Mais non, ça se ils se bagarrent. Ils s'insultent pas. Il y en a qui s'insultent, mais il y en a pas beaucoup qui s'insultent. Ouais, un peu beaucoup. Moi, je dire, il y en a pas beaucoup, mais je veux dire un peu beaucoup. Oui, Juliana. Ils prennent les béquilles des autres. Quand il y en a un qui est en plâtre, ils prennent les béquilles des autres. Et après, on se tape dessus avec. Non, Christopher. Qu'est-ce que vous aviez dit d'autre? Ils volent des chaussures. Ils volent des chaussures quand il y en a. Des fois, mais ils volent pas, ils demandent. Oh, ils se taquinent beaucoup. Non, hein. Ils volent pas, ils demandent. Mais non, ils volent des chaussures. Pour voler la chaussure. Non, donne-moi ils ta demandent basket. Pas la nourriture. Ils demandent, ils la volent pas, ils la demandent. Ah, ok. Une fois, il y a une fille qui a demandé, je peux prendre ton pain? Bah, si tu veux, moi, je l'ai pas mangé mon pain. Vous aviez dit aussi, ils parlent mal. Ah ouais, tous les gros mots qu'ils disent. C'est sûrement les garçons qui parlent mal. S'il te plaît. Ils s'insultent. Ils se tapent, ils font des bras d'honneur. Après, je vous ai dit, mais vous, quand vous êtes en récré... Pas moi. On est pareil. Vous êtes un petit peu pareil, au collège. Pas moi, moi je vais pas. Pas moi, pas moi, non. Nous, on est sages. Moi, je vous entends et je vous vois. On est sages, Corinne. On est sages, Corinne. Corinne. Corinne. Non, Corinne. Les mots et les coups. Non, on est sage. On est sage comme des images. On est les princes. On est sage. On est des antiques garçons. Oui, c'est facile de dire les autres, c'est ci, c'est ça, mais vous. Non, c'est plutôt les éducatrices. Hein, Timothée, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu as écouté, Timothée? les éducatrices, ils sont gentils. Oh, ben ça, non. Elle reste là, elle boit un café. Les éducatrices, ils sont mignons. Non, mais Timothée, je disais que à l'IME aussi, vous n'êtes pas des saints. En récréation, il y a aussi des insultes, parfois des bras coups. D'honneur. Est-ce que tu es d'accord? De quoi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils insultent? Oui. Oui, ben voilà. Parce que tes collègues, là, tes copains, disaient oui au collège, c'est ci, c'est ça, ça, ça. Elle lui aussi insulte, Timothée. Mais je dis que vous, non, c'est Timothée pareil. Non, Timothée, fait pas bêtisant. Il nous insulte souvent, Timothée. Non, je fais pas le bazar. Ah si, non, il fait pas le bordel. Non, je fais pas le bazar. C'est des bras d'honneur, tu nous insultes. Non, parce que toi, tu fais rien. Et là, on n'est pas là pour régler les comptes, hein. On faisait des comparatifs, là, seulement. Oui, Juliana. Timothée nous cache quelque chose. Oui, c'est bon, Juliana. La part de Maya qu'elle apprenne. Mais non, arrête. Bah, de toute façon, Maya, elle est à l'école aussi, hein. C'est aussi comment ça se passe à l'école. D'une petite table, tu parles, tu râles. Arrête de parler de ça. Arrête de parler de ça, Christophe. Alors, est-ce que c'est normal de se parler comme ça tout le temps avec des grossièretés? C'est le nouveau langage, ça, peut-être. Le langage des jeunes, ça. Hein? C'est le langage des jeunes, ça. C'est le langage, ouais. Alors, moi, je suis pas à la poche du tout, hein, parce que j'ai du mal avec ça, quand même. Non, t'es à la vieille école, c'est normal. Bah oui, je suis la vieille école, t'as raison. Maintenant, on écoute de la musique du rap, on écoute non, mais rap. La musique, c'est pas gênant, hein. Du rap qui dit des gros mots. Oui, hein. Juliana. On dit comme wesh. Il y a aussi wesh, lol et MDR. Oui, mais ça c'est pas des grossièretés, ça va. On dit jamais de grossièretés, nous, on est sages. Non, mais les collègues, j'aime toujours Juliana, jouer. Juliana, tu me fais bailler, hein. Allez, on peut passer la chanson maintenant de... Camille. Camille. Marshmallow. Marie. Marshmallow. Ça se tromper. Ça se tromper, Marc. Hein. Bien. Me, I say you crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can't be reasoned. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it obvious? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it obvious? F-R-I-N-D-S. F-R-I-N-D-S. Have you got no shame? You looking insane, turning up at my door. It's 2 in the morning, the rain is pouring. Haven't we been here before? Don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. Have you got no shame? You looking insane, here we go again. So don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can be reasoned with them, don't be impolite. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it obvious? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it obvious? F-R-I-N-D-S. F-R-I-N-D-S. R-I-E-N-D-S. That's how you spell friends. F-R-I-E-N-D-S. Get that shit inside your head. No, no. F-R-I-E-N-D-S. We're just friends. So don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can't be reasoned with them, don't be impolite. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it obvious? F-R-I-N-D-S. Haven't I Voilà, une chanson en anglais. Un petit dab à la fin. Eh ben, on se demande ce qu'elle raconte. Elle peut vous dire. Hein, Anne-Marie et Marshmello, là. Qu'est-ce qu'ils racontent dans la chanson? Ils disent des gros mots. Non, la queue. Parce que le bip, ça veut dire qu'il y a un gros mot. La queue, ça veut dire gros mot. Ah, parce qu'il y a un bip dans la chanson, ça veut dire qu'il y a des... Ah oui, Marc, il dit oui. Ah bah attends, comment tu dis ta chanson, Camille, oui. Il parle de Camille. Non, en fait, la chanson, c'est une chanson d'amoureuse. D'amoureuse? Oui. Le titre, c'est Friend, ça veut dire ami. Ami ou amoureuse? Amoureux. J'ai vu plein de fois le truc. Tu sais? Le clip. Oui. Ami, il a dit Marc. Ok, oui. Oui. Si vous voulez trouver le titre, cherchez le titre. Et appelez-nous à la radio. Bah, on l'a dit le titre, Nathan. Hein. Non, le titre. Timothée, tu veux bien poser le casque, s'il te plaît. Timothée. Timothée. Voilà, merci Timothée. Alors, demain est un grand jour. Nous allons pédaler demain. Un rouleau marchand. Rouleau marchand. Rouleau marchand. Comment? Ma. Ma. Re. Re. Chon. Son. Camille, doucement. Chant. On n'est pas sourd. Hein. On n'est pas des vieux qu'on entend. Donc rien. Demain, il y en a qui vont faire du vélo. Trottinette. Pied. Marcher à pied. Timothée, trottinette. Marcher à pied. Et à pied. Voilà. Donc moi, demain, ce qui est bien, c'est qu'il va faire beau. Il va faire très chaud. Oui, oui, Juliana. Faut pas oublier les casques. Ah, voilà. Et les casquettes. Ça, il faut passer le message à la radio. Ne pas oublier les casques. Et les casquettes. Pour ceux qui font du vélo. Ah, mais si j'oublie mon casque. Pas de casque, pas de vélo. Non, mais si c'est pas un casque pour prendre un IME. Oh, bah ça, c'est pas si sûr qu'il en reste un. Tu as dit que tu en as porté un, Nathan. Donc, mais moi, j'ai pas de casque chez moi. Oui, mais ta maman, elle devait regarder. Et c'est l'oubli. C'est l'oubli. Mais c'est peut-être à toi aussi d'y penser. Elle pense, maman. Ah, elle pense pour toi? Non, elle pense pas, elle le sait. Oui, mais toi, tu le sais aussi. Oui. Donc, tu peux lui rappeler un moment. Maman, je l'ai rappelé hier pour pouvoir trouver un casque. Ouais, tu lui as dit. Oui, je l'ai redit. Donc, ça, c'est bon, vous êtes au top. Hein? Ok, pour demain? Oui. Puis, on donnera les résultats la semaine prochaine? Ouais, du foot. Du foot, ouais. Et moi, je garderai, moi, demain. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Le demain, c'était quoi? On a dit rouleau marchand. Il y a autre chose. La fête de la musique. La fête de la musique. Dans toute la France. Comment? Dans toute la France. Oui, voilà. Alors, est-ce qu'il y en a qui y vont là? Pas moi. Je sais pas. Non. Non. Non. Personne ne sort avec ses parents pour aller voir. Ouais, c'est dommage. Je sais pas. Les parents, ils vont pas aller. Pourquoi? Personne ne sort. Il y a l'école demain. Il y a quoi? Après, je dis, c'est vendredi, il y a l'école. Il y a le foot, mais après le foot. Le foot. Après le foot. T'es fatigué. De toute façon, la fête de la musique, ça commence pas à 5h de l'après-midi. Hein. Il y en a un petit peu comme ça, mais le plus gros, c'est le soir. L'alcool, tout ça. Non, on parle pas d'alcool, on parle des groupes de musique. Est-ce que vous étiez allé l'année dernière, par exemple? Pas oui, moi. Juliana. Oui, moi avec mon frère. Ah, bien. Alors, est-ce que tu peux raconter un peu comment c'est pour les autres? C'était à Dommartin. À Dommartin. Et on oui. En fait, il y avait un gros champ et il y avait des picons, tout. La fête de la musique, c'est le picon. Non, et après, mon frère. Après, mes deux frères, ils jouaient de la guitare. Voilà, la fête de la musique, il y a des groupes. Tout le monde regardait mes frères jouer. C'est bien. Ils jouent de la guitare tous les deux. Ouais. Sukavito, Sadika et le grand. Puis alors, ils chantent aussi, oui. Oui, ils chantaient. Ah, ils chantent aussi. Ce serait bien une fois qu'ils puissent nous faire un petit... Ah mais non, c'est de la musique. Bah, et alors, ça fait rien, ça. Ah, c'est pour ça te plaît pas, toi, c'est des vieilles musiques. Des musiques vraiment... Et Corinne. Oui. Ah, c'est de la musique, tu bouges, tu restes pas en dernier centre, tu peux aller au stand de tir. Non, c'est pas la fête foraine, hein, la fête de la musique. Non, c'est pas à manger, c'est pas... Ah oh, bah oui, il y a toujours des trucs à manger, mais c'est surtout des groupes de musique. Et alors, personne... Non. Moi, c'est déjà la feu d'artifice, moi, le premier. Et pourtant, les soirs comme ça, je sais pas comment vous faites pour dormir, hein, parce qu'il y a du bruit au moins jusqu'à 1h du matin. Ah, ça, je le sais. Dans les villes. Tu mets la musique dans la tête, ouais, tu dors. Ouais, la musique. Attends, Nathan, stop. Juliana. je demanderai à maman pour y aller, pour voir. C'est bien. Moi, j'irai porter la Igor. Si on va faire de se coucher tard. Tu peux aller faire un tour quand même. C'est sans où pour ça aller. Clermont. Mais non, à la Bresse. Oh mince. Corinne. À la Bresse, il y a des groupes de musique partout. Corinne. Oh mince. Moi, je suis déjà allée à la fête de la musique. Ah, avec mon parrain. C'était où? À Remiremont. Oui. Et une fois, elle avait écouté une musique trop marrante. Un monsieur qui avait des lunettes un peu bleues et rouges là. Oui. Il chantait bien. C'est bien. Et j'en ai vu beaucoup plein. Et voilà, il y avait des groupes partout. Ouais. Ouais. On était une fois. Feu d'artifice, le premier à la Bresse. Le feu d'artifice. Le premier quoi? Feu d'artifice là à la Bresse. Le premier quoi? Pas le premier, mais un autre mois là, le feu d'artifice là. Le 14 juillet. Ouais. Les feux d'artifice, il y en a partout. Moi, c'est avec le feu d'artifice. Oui. Je crois que j'avais vu quel feu d'artifice à longtemps. Où? À Bresse. Je vais pas à Bresse. Camille, elle va pas à la Bresse. Non, elle va pas à la Bresse. Hein, c'est ça que tu as dit. Je crois que t'avais vu, toi, un feu d'artifice, Camille. Bah, peut-être qu'elle se rappelle plus, Camille. Non. Et si, elle avait vu quelqu'un de l'IME. Non. Ça, c'était quelqu'un d'autre. Ah, bah, alors, c'était pas Camille, hein. Mais je sais pas, je me rappelle plus c'était qui. Bah, tu sais plus c'était qui. Alors, c'est qui? Oui, Juliana. Moi, un coup, j'ai été à la fête. Au feu d'artifice? Oui. Oui, mais je vais jamais à la Bresse, hein, j'aime pas la Bresse. Ah, je crois que j'ai vu Juliana au feu d'artifice, je me rappelle. Ah, c'était Juliana, mais non, j'ai jamais été à la Bresse, moi. Oh, moi j'ai vu jamais. C'est qui s'avait vu au feu d'artifice? C'est une fille, moi. Je me rappelle plus. Donc, demain soir, je vous conseille tous, après le match de foot et après avoir mangé un petit peu, de sortir de chez vous. Pour aller à la fête de la musique. On va revenir à 3h du matin. Ah, Timothée. Oui. Non, je vais pas à la fête de la musique. Oui, mais peut-être que tes parents demain ils vont t'emmener. Mais, oui. Timothée. Hein? Corinne, tu crois t'es mis à l'eau pour toi. Corinne. Oui. La Bresse, bah, Remiremont. Timothée d'habiter à Rochesson, ça fait beaucoup de kilomètres. Bah, il y a peut-être quelque chose à Rochesson. C'est bien parce que c'est cool parce que. À Vanier, il y a des trucs aussi. Attends. Il y a quelque chose à Rochesson. Par contre, je sais plus si c'est le jeudi. Je sais plus. Ah, voilà, Timothée, t'as entendu ce qu'il a dit, Marc? Non. Rochesson, il sait plus si c'est jeudi ou samedi. Mais il y a un truc à Rochesson. Donc tu pourras y aller avec tes parents. Hein? Voir de la musique. T'aimes bien ça, toi, Timothée? Mm-hmm. Ben oui, Corinne. Juliana. Il y en a un où il y a à Remiremont. Ah, bah, à Remiremont, oui, il y a beaucoup de groupes. Hein. Et puis. Quand on va y aller, on va revenir à 5h du matin bourré. Juliana, tu arrêtes ou... Alors, je crois que là, on dit pas bourré. Pour Rochesson, c'est le samedi 23. Et à Vanier, c'est le 21. D'accord. Vous le savez. Est-ce que vous avez écouté ce que Marc a dit? Oui. Je suis trop fan de lui, Kenji. Le 21, c'est à Vanier. Et le 23, c'est à Rochesson. Timothée, il n'écoute pas alors qu'on est en train de lui parler. Ok, j'écoute. Timothée, je te répète, Marc a dit le 21 c'est à Vanier, mais le 23 c'est à Rochesson. La fête de la musique. Donc il faudra y aller avec tes parents. Mm-hmm. Voilà, et tu nous raconteras à la prochaine émission. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait comme groupe? Si c'était de l'accordéon, du rock, tu verras bien. Mm-hmm. Du rap ou je bande. Oui. C'est bientôt. Il va y avoir un feu de Saint-Jean. Ah oui, mais attends, ça c'est autre chose encore. C'est bientôt. Là, on est à la fête de la musique. La fête foraine aussi. Oui, il y a la musique, il y a Rosé, il y a Fête d'artifice. Les fêtes, Noël, Pâques, hein, c'est ça? C'est Pâques. Là, on est à la fête de la musique. D'accord? Ça la Bresse. Oui, on s'est dit feu d'artifice à la fête de la musique. Donc, allez tous à la fête de la musique. Ça la Bresse. Oui. Moi, je ne sais pas si je vais retourner. Bon, voilà. Alors, vous savez, il est 56, il va falloir rendre l'antenne. Oui. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Saine. Et on dit au revoir. Sans crier dans les micros. Il n'y a pas besoin d'être collé au micro pour dire au revoir. Hein. Bonne journée. On remercie encore Maya de nous avoir appelés. Merci Maya. Merci Maya. Et merci on Maya. Souhaite bonne journée merci à tous Maya. Les auditeurs. Bonne journée, bon après-midi. Au revoir à la semaine prochaine. Au revoir Maya. Au revoir. Au revoir. Reposez-vous.